Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Ça va-t-il les bananes? Bonjour, bonsoir, vous écoutez Tortoli et Arbatax, c'est le 105.4, c'est Radio Panique. Panique, P-A-N-I-K, tu connais, bah tu connais pas. Et non. Voilà, on est en direct, Tortoli, moi-même, Arbatax, l'homme au polo. Lui-même. Oui, je suis de droite, je porte des polos, j'ai un col, effectivement. Il est droite. Il y a deux écoles, hein. Quand il y a le soleil, il y a l'école t-shirt, il y a l'école polo. Je suis polo. Je te parle même pas de ceux qui portent la chemise. Alors, ah oui, non mais pardon. Cela, il me dégoûte. Non, non, mais ça, c'est pas une école, ça, c'est n'importe quoi. D'autant plus si c'est à carreaux. Non, mais c'est tellement 2011, la chemise à carreaux. Je suis désolé, c'est tellement 2011. Alors qu'il y a quelque chose qui est tellement 2012, tellement 2012, le fruit de 2012. Lequel sera-t-il? Le fruit de notre travail. Alors, allez-y, faites un petit peu l'inventaire de tous les fruits que vous connaissez dans votre tête, un petit peu récapituler comme ça. On peut leur laisser 10 secondes de réflexion. Allez-y, dites-nous, vous avez 10 secondes. Oui, il y a ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a ça aussi, ouais. La fraise, non, la fraise est un peu 2009, quoi, c'est passé déjà la fraise. L'autre, il dit kiwi. t'es pas au courant, là, je pense. Kiwi, n'importe quoi. Fruit du siècle dernier. Et non. Et non. 2012 est l'année de la banane. Large. La banane, la jaune, l'épluchable. La jaune qui tend sur le noir, hein, avec le temps, qui a vert, tendance à se tacher jaune, de noir. Qui est verte au début. Ouais, qui est verte au début, jaune à maturation. Et tout un cycle de la banane, maturité. De toute façon. On aura largement le temps de revenir sur la banane, de A à Z. Tout, vous saurez tout sur la banane. Restez accrochés à vos enceintes, à votre casque. Bananier. Mais déjà, faisons un petit inventaire de tous les fruits qui ont été éliminés lors de la préparation de cette émission. Parce qu'évidemment, vous voyez bien que c'est la banane qui a été élue reine des fruits. Hein, la banane roi, en fait. Hein, le fruit. La banane reine. L'unique. Mais petit hommage quand même à la concurrence, avec le générique de cette semaine. L'ABC des fruits, tout simplement. C'est également pour vous apprendre l'alphabet. Vous comprendrez. C'est partie des missions éducatives, des radios associatives, Radio Panique. Éducation permanente. L'ABC des fruits. Tortoli Arbatax. Vous apprenez l'alphabet. Allez, 17h-18h, une heure ensemble. On répète. A pour l'ananas. Pour l'ananas. B. Pour la banane. La banane. C'est facile pour Clémentine. Nous les fruits, on les aime bien. Nous aussi, on les aime. Oh oui. D, c'est pour les dates. E, pour épicard. L'épicard, c'est la poule. F, les fraises et les framboises. C'est la petite framboise. Nous les fruits, on les aime bien. Oh oui. Vive la confiture pour nos tartines. G. G. Pour les groseilles. H. Les qui n'ont pas de fruits. J. Connais-tu les jujubes? Non. Nous les fruits, on les aime bien. K. Pour les kiwis. Abricot, vive la confiture pour nos tartines. M pour nectarine, O pour les oiseaux. Oh, c'est pour ma pomme, elle est bonne. Nous les fruits, on les aime bien. Ah oui, ah, c'est l'emblème. Pour le sang des sanguins, nous les filles, on les aime bien. Y'en a qui ont des pépins, comme les pommes et les raisins. Mais il y a tellement de vitamines. Y'en a qui ont des noyaux, comme les pêches, les abricots. Vive la confiture pour nos tatines. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question! D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Merci à Tortoli Arbatax de vous apprendre l'alphabet. Il n'y aura désormais plus d'analphabète. De lutter tous les mardis contre l'analphabétisme. C'était donc un générique ABC sur les fruits. L'ABC, l'ABC d'air des fruits, ouais. On les aime bien, on les aime bien. C'était mignon, hein. Vie pour vitamine. Et j'ai appris qu'il y avait pas mal de lettres en fait où il n'y avait pas de fruits. Hein. Il y a des petites quenelles, mais le H, le I. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fruits. Le U, le W, le X. Le U, Y. C'est quesh. Le Q. Q. Le Q, c'est quetch. Ouais. Quetch. Et j'ai remarqué qu'ils avaient quand même trouvé jujube. À J. La jujube. La jujube. Et les choses. Et à E. D'ailleurs, il y a plein de filles en jujube. En ce moment, ouais, c'est parce que c'est à cause du soso. Du soleil. Du soleil. Ah, d'accord. Du soleil. Et eux, ils ont trouvé l'épicarpe. Et alors, l'épicarpe, pour ceux qui ont fait attention dans les lyrics. Pour les pêcheurs. Non. C'est la peau. En fait, c'est la peau du fruit. L'épicarpe. Très bien. Voilà. Vous ne verrez plus jamais les fruits comme avant. Ah, ouais. Oui, c'est normal. On ne les mangera plus pareil. Bon, ben, on a dû faire un choix. Hein. Il y a eu pas mal d'exclusions. Et on est resté sur la banane. On est resté sur la banane. J'ai envie de dire l'unique. Hein, je veux dire, c'est vrai que s'il y avait un fruit à choisir, ce serait la banane. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, C'est par amour. Par amour de la banane. Enfin, tous les deux, on est assez friands de banane, le fruit, bien sûr. Surtout toi. Et oui, exactement. Et je vous vois venir, petits auditeurs, vous dites oui, la banane c'est un peu facile, il y a quand même beaucoup de chansons qui parlent de banane en ce moment. Ouh là là, non. Ou il y a longtemps. Non, détrompe-toi, tu peux réplucher ta banane. On va te faire revisiter la banane. Ça aurait été beaucoup plus facile avec les quetch. Ah bah. Oh. Ah oui. J'ai oui. Un dossier quetch d'ailleurs. Non, ouais. J'ai un disque dur. J'ai un disque dur quetch. Il y a du tétra là, du tétra, bah, de son là. Tétra beat. La banane, je sais pas. Ça ne jute pas la banane en même temps. Il n'y a pas de jus quoi. Ça jute pas, mais. C'est un fruit propre en fait. C'est un fruit propre. Il y a des pépins quand même. Il y a des pépins dans la banane. Apparemment. Bah en fait, quand tu la coupes. Faut faire gaffe au noyau aussi. Non, mais quand tu la coupes, tu vois, il y a des petits grains là. Des petits grains noirs au milieu du jaune. Des grains noirs au milieu du jaune. Ouais, des petites graines. On n'est pas sur le même fruit, toi et moi, j'ai l'impression. Non. Hein. Je suis sur Wikipédia/fruits et il y a bien des graines et elles sont généralement jaunes lorsqu'ils sont mûrs. Ouais. Des grains, des pépins dans la banane, très bien. Moi je pensais plutôt à un fruit fibreux, voilà, filandreux, tu vois. Voilà, on l'épluche, il n'y a pas de pépins. Je veux dire, t'as déjà craché les pépins d'une banane? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? je vérifierai. On va vérifier de toute façon, vous saurez tout sur la banane. Alors, par contre, pour rentrer dans le cœur de cette émission, qui est une émission musicale, je vous le rappelle, j'ai l'impression que dans ma tracklist, on commence un petit peu par le... On commence par le zénith, top. Hein. Quoi, par le top. On tape direct dans... Je crois qu'il s'appelle Michael Catchon. Michael Catchon. Exact. C'est plutôt, je pense, un enfoiré, parce que il a repris à mon avis un classique qui était déjà là bien avant lui, bien avant sa mère, voilà, etc. Voilà, et qui n'a pas d'auteur, je veux dire, on ne retrouvera jamais le mec qui a écrit cette chanson. Et vous allez tout de suite voir de quoi on parle. La banana est l'unico frutto dell'amor. Il déclare son amour à la banane. On était obligé de commencer par ça. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ça s'imposait de soi. Il n'y a pas épluché du cul, c'est celle-là. Je vais m'en faire une petite. Ça m'a mis une banane, ce titre. Il a la banane. Ça s'appelle La banana è l'unico frutto dell'amor. Référence, petit clin d'œil à quelque chose, je ne sais pas. Ça me paraît évident quand même. Alors si c'est sexuel... Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, tu penses? C'est ça, je pense que ça ne fait aucun doute, quoi. Ah, tu veux dire que cette forme phallique c'est ça. Induirait quelques pensées un peu dérivées. C'est encore plus évident que pour le gingembre, moi, par exemple, qui est connu comme aphrodisiaque. Oui, mais qui n'a pas la forme. Mais qui n'a pas la forme. Enfin, forme de... peut-être pour certains, mais je n'ai jamais vu en tout cas de spécimen avec. ce type de gingembre, enfin de banane. Ça peut exister quoi. Ou la corne de rhinocéros aussi, en poudre. La corne de gazelle. Celle qui colle. Non, évidemment, celle la banane. Qui colle au doigt. La banane, voilà, de par sa forme, effectivement, on peut pas. Cette émission va tourner un petit peu autour de l'amour. Hein. C'est inéluctable. C'est une image, on utilise la banane, mais vous savez bien que. Vous savez où on veut en venir. Voilà. On vous la mettra. Et si on a un petit peu, comme ça, été dans les métaphores dès le début de cette émission, on va, je pense, arrêter les figures de style et rentrer au cœur du sujet. On va rentrer avec un texte plus explicite, quoi. Hein, parental advisory, là, attention. Hein, là, advisory, my friend. Explicite contents. Hein, attention, là, c'est moins de 16, attention. On arrive avec le morceau Mega Banana. Exactly. Exactly, my friend. Celui-là, vous le trouverez pas par vous-même. Hein, celui-là, c'est... difficile de le choper. Difficile de le pécho, c'est mais. C'est un peu une exclue quand même. Ouais, c'est une exclue. Un Tortelière Batax. Ouais, je pense. Le titre Mega Banana, c'est, un... c'est une chanson, un rap de... d'un groupe. D'un feu groupe, puisqu'il s'est séparé. Enfin, il y a eu Split, il y a eu, il y a eu Épluchage. Quoi. Banana, Split. Voilà, Banana Split. Bien vu. Et ce groupe s'appelle Gogol Sound System. C'était un crew de rappeurs formé de. Franco-belge, hein, je crois bien. Franco-belge. J'aime bien te répondre comme ça. Voilà, donc Mega Banana, c'est le titre de Gogol Sound System. Mais préparez vos oreilles. Hein. Préparez vos éplucheurs. Là, on est directement au cœur de l'émission. Probablement un des meilleurs morceaux pour cette émission. C'est un moment charnière. Hein. Là, soit on perd tous les auditeurs, soit il reste jusqu'à la fin. Alors, tu restes, tu pars, je ne sais pas. Mais tu prends une décision. Attends au moins ce morceau, attends de voir. Et à mon avis, ça te met la banane quand même. À mon avis, ça te met la banane. Mega Banana de Gogol Sound System, s'il vous plaît, chez Tortelière Batax. Allez, sur Radio Panique. On les accueille bien fort. Ça vient du smurf, hein, c'est extrêmement fraîche. C'est vraiment un truc chambé, c'est du hip-hop, quoi. Et puis ça permet aussi de se pécho des meufs avec une pure attitude. Moi, ouais, j'aime bien, c'est complètement fraîche. Mega Banana, Mega Banana. Une fois débarque, whisky titi, cocktail à la main et chemise fleurie. Sourire ravageur, regarde ton beurre, n'essaie pas de me résister, je connais par cœur. Je me déstabe face à vous, c'est réjouissant. Sponsor, ça m'acloue, évidemment. Mon chant trop pas me mouler, partie génitale. Ça réveille chez les gars leur côté animal. Ce soir, c'est la méga banana. Ce soir, toutes les nanas mettent leur bas de soie, chacun pour soi. Méga banana, casse-toi gros, t'as. Y'a pas d'amour à gratter. Mon gros sexe est grotesque et mes propos orduriers. C'est les salopes qui tombent quand on secoue le bananier. Les poules sont là, les caleçons sont bas. Les boules sont haut, méga banana. J'ai la méga banana, je suis tout baba dans toutes les nanas. Mon prépuce est une peau de banane et j'attends qu'une madame l'épluche et me lèche la pute. Mais je ne veux pas d'une pute. Mon genre ce soir c'est pour draguer et pour payer à boire. Si tu baisses pas, au revoir. Méga banana, méga banana, méga banana, méga banana. En tout instant la calme à se tenir parce que niveau slackness le jeu est bien pire. Check ton mini bikini au bord du jacuzzi avec un verre de martini. Avec mon style d'enfer, je n'ai rien à faire. Toutes mes femmes mènent une vie d'enfer. Dès que j'arrive quelque part, elles se jettent sur moi. Excité par ma méga banana. Méga sola, méga banana. Je me fais péfra par ma nana. Sur ce pur beat, viens lécher ma bite. Pendant que je te broute, t'achètes la gratte au scotch brief. Je suis magicien d'ose, je te fais faire des choses. Viens frotter tes choses contre mon barreau de chaise. T'es pas ta précieuse, t'es pas religieuse. On le sait que t'es pas pieuse, mon pieu dans tes yeux. Soirée alcoolisée, je m'accueille décolleté dans mon calvar. C'est moi qui viens me décaloter. Dès le matin, je ne pensais que te déculoter, te plotter, te pénétrer. Mais pour toi, c'est des infos de la conversation. C'est quand j'ai rien à dire, pourtant j'ai payé ta boisson. Je regarde le contenu de mon verre en poisson au cou de mon caleçon. Vu que le son est bon dans la boîte, 2-3 secondes dans les chiottes qui se doivent. Méga banana, méga banana, méga banana, méga banana. Tu t'approches, tu perds tous tes repères. Tu vas faire des trucs que t'aurais jamais osé faire. Confortablement installé dans ta bouche. Pendant que t'es de copie, je malaxe la douche. Je regarde au fond de tes yeux et je vois que finalement tout ce que tu veux, c'est une pénétration et une vagina de ma méga banana. J'ai la colle estivale, c'est un festival. Un peu d'artifice dans ton orifice. m'intéresse, c'est une autre meuf que je me cherche, une qui prend dans le derche. Mon zizi est une glace ou banane, il faut que tu la lèches, je suis so fresh. Tenue de soirée, je suis là pour serrer, méga banana, les pompes sont cirées. On danse sans arrêt, ce soir tout est rose, sur ce son taré, oublie ta cirrhose. Les tons se sont terrés, faites place au string rose, bienvenue au chat poreuse. Méga banana, dis-moi, est-ce que tu baises ou on se fait juste la bise, c'est comme ça que je les mets à l'aise. Méga banana. Mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana, mega banana. Qu'est-ce que tu peux faire? Écoute ce son, c'est Tortoli et Arbata. Ce son qui fait bouger les bons et les gangsters. C'est Radio Panique. Y a pas une deuxième chance, hein. C'est du direct. Hein. Oh merde alors. C'est du direct. C'est du direct, vous écoutez Tortoli et Arbatak sur le 105.4 Mega Banana, c'était le titre qu'on vient de s'écouter du groupe Crew, séparé mais peut-être en instance de recomposition. Gogol Sound System des Bruxellois. Bruxellois, j'insiste sur le wa. On va essayer de les faire venir dans les studios. Hein. On va les retrouver un par un. Non, c'est pas qu'on va essayer, c'est eux qui veulent. C'est différent. Ils frappent à la porte depuis, depuis des années et on leur a dit attendez, on fera une émission spéciale fruits, il n'y a pas de problème, ça viendra quand ça viendra. Ça viendra. Un de ces quatre, quoi. Vous serez au courant, vous serez tenu au courant. Donc on est dans cette émission spéciale banane. C'est exact. Là je sens tous les auditeurs qui ont ce faciès reluisant, ce faciès avec ses... Faut dire que l'intérieur est un peu jaune. Chico apparent. Vous avez la banane. Vous écoutez Tortoli Arbatax. Comme tous les mardis de 17h à 18h. Mega banana. Apparemment, c'est la méga banana pour tout le monde. Non, c'était bien ce morceau. Il était bien, je savais. Bon, on va passer s'abattre, on va pas redescendre quand même. Non. On ne redescendra jamais. Jamais je ne redescendrai de mon bananier. Donc là, après, on a différentes options pour partir sur la banane. Y a plusieurs types de bananes, en fait. Voilà. C'est ça. Tu veux en venir? Il y a plusieurs variétés, quoi. Mais il y a deux grosses variétés, en fait. Il y a deux grosses... Si je peux poser un bananier... Vas-y. Toujours est-il qu'il y a la banane utilisée comme fruit. Banane en dessert, etc. D'accord. Ou la banane utilisée comme légume. La différence entre les deux, c'est que la banane utilisée comme légume est une banane à cuire, alors que l'autre se mange crue. À cuire, comme la banane plantain. D'accord. Par exemple. La banane plantain qui est une voilà, variété c'est ça. De banane. C'est celle-là qu'on fait frire quoi, dans les restos africains. Voilà, c'est celle qui te conserve. Elle peut être bouillie, grillée, voilà, frite. Et qui est quand même moins sucrée beaucoup moins. Que celle qu'on mange en fruits. Celle-là, on l'appellera plus banane légume. Laquelle? Celle-ci, voilà. Celle qu'on cuit. D'accord. Et la banane plantain, c'est... C'est ça. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est la banane à cuire. Je ne suis pas. Si, ça va, c'est bon, j'ai compris. Et l'autre est une banane... T'as peut-être une banane dans l'oreille. Excusez-moi. Cette fameuse blague. Ouais, il y avait une blague comme ça, là. J'ai une banane dans l'oreille. Excusez-moi, parlez plus fort, j'ai une banane dans l'oreille. Voilà. Ouais. Et la banane qu'on connaît classique, c'est plus sucrée et plus longue et de couleur jaune. Alors que la banane plantain, elle est plutôt verte. C'est ça. Celle qu'on voit sur les étals des paquis, etc. Et il y a aussi y a ces petites bananes naines dans les Antilles. Oui. La petite banane naine, comme ça, des toutes petites grappes comme ça, pas plus grosses qu'une main. Des mini bananes quoi. Ça je sais pas, mais c'est très bon en tout cas. Ça c'est très... Celles-là bon. Sont très très délicates. Ah attention. Petites mais délicates. Ça il faut la manger avec parcimonie. Et on a quand même trouvé cette explication au niveau des grains, des pépins, hein, qu'on retrouve quand même plus généralement sur la banane sauvage. La banane sauvage. Venons-en. Et non pas la banane d'élevage. Non, la banane d'élevage, non c'est... Elle est moins bonne. Hein. La Chiquita, c'est la Chiquita, quoi, ce genre de choses. La Monsanto, celle qui a la petite étiquette, quoi, celle qui est collée sur l'épicarpe. Mais je me doutais bien que tu vois, le pépin n'est pas très vendeur de toute façon. Les mecs, la variété qui a les pépins, ils nous la... Ils nous la servent pas celle-là. Pépin le bref. Bref. Bref. Bref, bref, bref. Par, donc ça, par... c'était le côté science. Je vois que tu pars un petit peu dans une tendre folie. Une banane folie. Pour revenir là-dessus. Non. je vois que la banane crée un certain nombre de fruits et de la production de fruits dans le monde. La banane est quand même le deuxième fruit en termes de production. On est quand même sur des millions des millions de tonnes par an. Alors il va falloir le prouver. et qui serait en seconde position derrière la production d'agrumes, quoi. Tout ce qui est orange, clémentine, citron. Ouais, mais là c'est un peu. Et encore ils s'y mettent à plusieurs pour la dépasser. Assez... Ouais voilà c'est. Mais toute seule je suis sûr que la banane serait premier. C'est complètement fruit. Déséquilibré. Tu compares des agrumes qui sont petits moches quoi. Petits moches et qui sont et surtout plusieurs quoi. Tu l'as dit, les oranges, les clémentines, ils s'y mettent etc. À plus, ouais, c'est ça. Alors que la banane est fière seule. Toute seule quoi. Fière comme une banane. Raide dans ses bottes. Fière comme Artabax. Comme Artabax quoi. Voilà. Ah ouais. Cette fameuse banane. J'ai la banane. Tu l'as la banane. Ouais, mais gars. D'ailleurs, la banane est tellement, si tu veux, le fruit roi, quoi. On a même des hommages anonymes en forme de chanson. C'est ce qu'on va se passer tout de suite. On sait pas du tout qui a fait ce morceau. Il y en a pour une petite minute trente de folie. J'allais dire de bonheur, peut-être pas. Pas tout à fait, non. Enfin, quand même pas. Le bonheur viendra plus tard. Et ça s'appelle I'm a Banana. I'm a Banana. I'm a Banana. Le mec, il se persuade qu'il est une banane, quoi. Ce qu'on appelle une bananification. I'm a banana. You're a what? I'm a banana. Close. I'm a banana! I'm a banana! I'm a banana! I'm a banana! Look at me, man! Yeah, yeah. I'm a banana! I'm a banana! I'm a banana! Look at me, man! Banana power! Banana power! Banana power! Complètement fou hein, cette banane. I'm a banana power. Donc c'est une personnification, une bananification. Mais je pense qu'on connaît pas toute l'histoire là. J'étais en train de me dire quand même pour faire ça, je pense qu'il y a un gros délire. Je pense qu'il y a un souci. Ouais, c'est pas juste qu'il kiffe la banane. Je pense qu'il y a eu un délire entre potes ou un délire tout seul dans sa tête. Mais le mec est une banane quoi. I'm a banana, ça se trouve sur internet, on n'a pas d'auteur. Ou il a pas peut-être voulu rester dans l'anonymat. C'est ce genre de vidéo YouTube où quand les Américains regardent et font Oh my god! Amazing! Voilà, ce genre de vidéo à mon avis. Ça a dû faire le buzz sur Coréus un jour ce truc, je pense. Forcément. Et puis c'est retombé dans l'anonymat et puis on l'a ressorti quoi. Bah voilà, c'est retombé comme une banane tombe d'un bananier. On avait une rectification qui est par SMS hein, sur nos tableaux, ça apparaît. Ça apparaît, c'est en direct. Voilà. C'est direct sur les écrans tactiles. Ça tweet quand même pas mal autour de la banane. Et au niveau des plantes. Attends, au niveau de la production de fruits, oui. La banane n'est pas deuxième mais troisième. Troisième, on a appris très récemment la chute au troisième rang. Ce n'est que médaille de bronze et vous l'aurez deviné, le premier et le deuxième rang sont tenus par l'ami Orange. L'ami Cahouette. Orange en premier. Orange, alors ça j'avais dit, donc ça c'est normal. Ça c'est bon, mais le deuxième qui le dépasse, c'est le raisin. C'était le raisin. C'était le raisin. Ami alcoolique, ami fidèle du vin, vous y êtes pour beaucoup. Alors, c'est un peu grâce à vous. On compte quoi? On le compte pas en unité, je veux dire, parce que le raisin, sinon c'est facile. Je pense que c'est en grappe, on compte juste du poids. C'est le poids, mon ami. C'est le poids, 100 tonnes. Oui, je pense que c'est. Bon, si 100 tonnes, ça va. Je pense que c'est. D'accord, bon, bah de toute façon, non, mais le raisin fait une belle poussée, j'imagine bien, de toute façon. Oui. Voilà. C'est selon les vendanges. Les vins du Nouveau Monde, je veux dire, on a été planté de la vigne partout, je veux dire maintenant, du Chili en Australie, en Afrique du Sud. Il y a une très très belle percée du raisin, c'est vrai que c'est... Oui, mais l'avenir n'est pas là. L'avenir n'est pas là. Enfin, c'est la banane. Voilà. C'est la banane. En termes sentimentaux, c'est quand même la banane qui restera de toute façon. La culture de banane. Le produit de base, je veux dire, c'est quand même la base. Je veux dire, c'est la base. Et ça, savais-tu que la banane, tu pouvais la manger en apéro? En chips de banane. Bah bien sûr. Et oui, les fameux assortiments là. Bah attends, avec les petits bouts de noix de coco et les bien sûr. Les petits raisins. Et j'ai mangé récemment où j'étais un petit peu comme ça dans ma famille, dans une partie de ma famille. Ouh la chance, ça va être chiant. Un peu bio comme ça, hein. Des chips de betterave. Hein. Chips de betterave. Oui. C'est pas mal. J'ai goûté ça également. Ça change de la chips paprika, chips bolognaise là qu'on se tape tout le temps. La fameuse chips au lata. La Belgique, hein, qui est le premier consommateur de chips, hein, je crois, en termes de kilos par habitant, par an. On avait déjà parlé, on avait déjà évoqué sujet. On va rester sur la banane. Je vois que on dérive encore une fois. Par contre, en termes de chips, il y avait ce genre d'émission que nous regardions en mangeant des chips. Oui. J'ai un petit quiz pour vous. La transition est assez belle, tu me diras. Oui, je te laisse écouter ce générique et tu me dis ce que cela t'évoque. Alors. Le Big Deal. Ah, pas loin, c'était sur la même chaîne. C'était sur la même chaîne. Tu y es presque. D'accord. C'est pas. C'est pas les Dico d'Or. C'est pas la dictée de Bernard Pivot. On n'est pas sur un registre intellectuel. Là, ça n'est pas ça. Si je te. Un petit indice, le présentateur qui arrivait sur le plateau avait une mimique assez. Assez propre à lui, assez indescriptible. Genre. Faisait tourner son micro en l'air. Petit salto comme ça. Petit salto, hop, il récupérait. Il faisait. D'accord, c'est Philippe Risoli. C'est Philippe Risoli. Exactement. C'est Philippe Risoli et mon pote, c'était le millionnaire. Exactement. Les gagnants arrivaient comme ça par un petit escalier sur le côté, ils descendaient comme ça tout fièrement, en rythme hein, souvent, ils descendaient quand même bien. Avec la voix off qui les présentait comme ça. Il nous vient de machin. Ouais. Nanana. Il aime la betterave, mais pas trop les carottes. Il aime surtout les bananes. Il aime les bananes. Surtout. Et spécialement quand elles sont plantains, il nous vient de Créteil. Ok, je vois, le mais millionnaire. Mais pourquoi parler je sais pas du tout, de Philippe Risoli? Pourquoi on parle de ça? Alors Philippe Risoli était l'auteur, le compositeur, l'arrangeur, le maître, maître artificier d'une fameuse chanson qui a été chantée dans les écoles allègrement fin des années 90, début 2000. C'était le titre Cuitas, les bananas. Coupé en los, les poletos. Tu vas pouvoir chanter. T'inquiète pas, j'ai le refrain déjà. Y'a des jours tu sais pas pourquoi ça devrait marcher. Ça paraît tellement évident maintenant. Ça marche pas. Y'a des nuits. La section cuivre est tellement belle. Tu devrais dormir mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil. Mais t'as les boules, pas la frite. T'as les abeilles, elles sont cuites. Les bananas découpées en dos. Les patatos. Les bananas découpées en dos, les patates. Y'a des jours tu voudrais zapper ou tomber en panne d'oreiller. Y'a des nuits où tu dynamites, tu sais même plus où tu habites. T'as même plus le temps de laisser le temps au temps. Trop tard, t'as le pétard, tête dans le sac. Le gros cafard, elles sont cuites. Les bananas, découpées en dos. Les patates, cuites. Les bananas. Y a des jours tu sembles épanoui, mais tu t'évapores dans la nuit. Y a des nuits où tu cours toujours, ces nuits-là ressemblent à tes jours. Les chats sont gris, la nuit porte conseil, mais t'es bancal, drapeau rouge. T'as les abeilles, elles sont fritas, les bananas. Bonjour, vous écoutez ces deux gros cons de Tortoli et Arbatax. Vous êtes contents. Ça tombe bien, eux aussi. Tout ça, sur radiopanique.org ou sur le 105.4 à Bruxelles. Oh oh! Peep! Peep my jingle! Yes, sir! Elle est de retour. C'est, ouais, elle est de retour cette cette chronique. Cette bonne vieille chronique. Cette bonne vieille Monique. L'expression de la semaine. L'expression de la semaine, ce sont deux expressions défendues par les deux animateurs qui se trouvent dans vos petites oreilles à ce moment présent. Trotroli et Ralatax. Et Ralatax qui vont vous proposer deux expressions, ma foi, fort opposées, mais au thème fort rapproché, puisque nous sommes dans un... Dans une thématique commune. Un thème, voilà. On est sur un terrain commun, toi et moi, sur ce coup-là. On est sur un terrain commun, on est sur du bananier, du fruit jaune. Ça va, ça va, c'est ça, c'est ça. J'avais compris, me casse pas les litchis. Mais... J'avais bien compris qu'on était sur la banane. Mais quoi je te dis? Toujours est-il que c'est une donc chronique, expression de la semaine spéciale, banana. Est-ce que Arbatax, tu comptes t'y mettre? Est-ce que tu comptes éplucher dans un premier temps ton expression ou tu me laisses faire? Je te laisse. Ah, tu me laisses? Voilà. Alors moi, c'est une expression en forme d'insulte. La bonne poire. C'est une expression en forme d'insulte. Ah oui. L'expression est banane. Tiens donc. Eh ouais, et surprise. Ouais. Moi, je suis pas allé chercher forcément loin, mais c'est une des plus efficaces. Banane. C'est, voilà, banane. C'est une insulte pour dire espèce de petit con, teubé, espèce quoi. De jeune homme bête, bouffon, d'idiot. Voilà, tu dis mais quelle banane, plaisantin. Mais c'est assez drôle. Et pas plantain. Ouais, banane plaisantin. Banane. Voilà, c'est donc mon expression. C'est normal, mais oui, banane. Très bien, je prends. Là, je te coupe la chic, je te mets ta petite botte de Nevers, je rebondis là-dessus et je sors une expression. La botte de Nevers. Bah oui, la botte de Nevers. La fameuse. Comment ça s'appelle ça? C'est le film. Il y a des bananes à Nevers. Banane. Non. Et alors, quand, banane. La banane est-elle apparue dans la région de Nevers? On ne sait pas. On ne sait pas. Probablement au 18e. Vers Nevers. Vers 9h du soir. 9h15. 9h30. Très très bon. Alors moi c'est se faire bananer quoi. Je sais pas si ça existe vraiment, mais se faire bananer, je pense qu'on voit tous ce que ça veut dire quoi. Voilà. J'ai pas l'impression. C'est-à-dire se faire rentrer une banane. Ouais, se faire bananer, ouais. Non, c'est pas se faire rentrer une banane. C'est se faire jarter quoi, se faire éjecter, se faire bouler quoi. Je pense que ça viendrait peut-être de mon champ lexical que j'ai acquis dans ma jeunesse en Bretagne Sud. Oh là là. Alors c'était bon, là on remonte à il y a quelques années. Et où dans le monde du nautisme, les amateurs de catamarans connaissent très bien le Hobie 416, ce petit catamaran, ce petit catamaran. Camaran. Ouais. Avec les deux coques en forme je de banane. Je connais Camaro, mais Camaran non. Non, Camaro, attends. C'est un pote. Laisse-moi ton cœur, bébé. Ton cœur. Donc ce Hobie 416, là, le petit catamaran de plage comme alors. Ça, avec les deux coques en forme de banane, et quand tu dessales, c'est-à-dire quand tu lèves une coque, enfin que le bateau, si tu veux, choix dans l'eau, ne fais pas le. Quand tu te retournes en fait avec ce bateau, on dit se faire bananer quoi. Mais en fait, tu peux. Voilà, je mets ça au goût du jour, je le rentre dans le civil et je le fais rentrer dans le dictionnaire. C'est intéressant. C'est bien compliqué pour. Banane pour cet se faire bananer, voilà. Non mais c'est bien, t'as essayé. Je me suis fait bananer. Ouais. Une belle explication. Mais c'est joliment dit, ouais, je trouve. On enchaîne sur une petite banane song. Une petite banane song. Encore un Philippe. Bah là c'est. Là je pense que les auditeurs l'attendent celle-là. Ils ont vu sur le titre. Émission spéciale banane, ils se sont dit direct, bon, ils vont nous passer un petit Philippe Catherine. Un petit Philippe Catherine. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. Bah oui, et puis c'est tellement de saison, tiens, ça nous emmène droit vers le farniente, quoi. Ouais, moi je veux pas travailler. Plutôt crever. C'est ça en fait. Il arrive bien à exprimer ce que c'est qu'une banane, ce que ça représente la banane. Tortelière Batax. Tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants. Mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane. Non, mais laissez-moi. Parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi? Je n'osais pas te le demander. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Radio Panique. C'est Radio Panique. Reprise des mics, reprise d'antenne. En pleine banane. En pleine bananerie. On s'est pris ça en pleine banane. En pleine poire en fait. En pleine poire, pardon. Ça, on peut tout changer. Ta bonne banane aujourd'hui. La bonne banane. Banane. Philippe Catherine qui était parmi nous avec le morceau La Banane. Et pas tout nouveau ce morceau, hein, c'est sûr. Hein. Non, mais J'entends déjà les tweets. Ouais, les mecs, tout. Ça bip. Bah oui, mais de toute façon, à l'époque, on l'avait déjà passé, donc là-dessus, on est. On était déjà là. Il n'y a pas de problème. Alors, Philippe Risoli, c'est fait. Philippe Catherine, c'est fait. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Philippe Risoli, on a des infos là, qui tombent au compte-gouttes. Via le chat. Au jus de banane. Alors, il est né en 53, mais ça, limite, on s'en banane. Mais il a présenté Le Millionnaire de 91 à 99. Hein, ah, ça, belle perf. Et alors, depuis 2009, tout va bien pour Philippe Risoli. L'après juste prix. Hein, c'est ça. C'est ça, c'était difficile hein, parce qu'il était quand même représentatif quand même. Hein. Depuis 2009 quand même, ça va, il présente une sorte de version un peu plus moderne, un petit peu un postiche comme ça, de l'école des fans. Ah, la fameuse. Et alors sur Gulli. Gulli, c'est quand même une grosse chaîne. Hein. C'est sur la TNT Ouais, c'est sur le câble, je sais pas. Un truc que personne regarde. Tape 18 ou 19 sur ta télécommande, tu dois pas être loin de Gulli, mais tu le fais jamais, bien sûr. Bien sûr que non. Et c'est pour les jeunes, hein, c'est un truc de dessin animé, je pense, Gulli. Ouais, sûrement, bon, parce oui, que. En plus. Je n'ai pas connaissance de ce Gulliver. Ouais, non, mais c'est ça, si, c'est une chaîne de dessin animé. Je sais même pas si c'est sur la TNT ou quoi. Non, mais c'est sûrement une chaîne. Il faut peut-être même payer, tu vois, pour l'avoir, je sais pas. Mais... Oh là là, il y a moyen de se faire bananer, là, en payant Gulli. Pour avoir Gulli. Mais moi, j'ai vu qu'il était quand même. Il a connu l'apogée de sa carrière, c'est juste à la fin. Juste de... prix. Ouais, non, juste. Ah, ouais. Pardon. Oh, il a pas présenté Juste Prix d'ailleurs. Si, justement. Ah bah voilà. Il a présenté Juste Prix jusqu'à 2009. C'est juste. Mais en 2008, là, il atteint l'apogée parce qu'il tourne dans une publicité où il incarne un animateur pour le grand tirage de France Abonnement. France Abonnement. Il tourne dans cette publicité. D'accord. Donc là, il était au top, quoi. C'est vrai. C'est à partir de ce moment-là où il s'est dit, je vais sur Gulli. je plaque tout, je vais sur Gulli. Là, voilà. J'en ai rien à bananer. Quitte en prendre plein la banane. Je fonce. Voilà. Mais tout va bien pour lui, donc du coup, ça. Ah, mais il s'est épluché au travail. Il s'est retourné, quoi. Non. Putain, arrête. Je ris jaune, là. Mais, pardon. Mais bon, bah voilà. Mais ça fait plaisir d'avoir quelques nouvelles comme ça de personnages qui sont finalement un peu familiers. Ils font un peu partie de la famille, quand même. C'est vrai. Ils font partie du vécu, quoi. Alors, en tout cas, il y avait toujours quand même moyen de mettre ce Reggae Man, hein, Banana Man, mais celui-là on l'a banané. Celui-là on l'a largement banané. Pas le temps, terminé. Je l'ai épluché, je l'ai coupé en rondelles. Voilà, non, pas le temps. 45 minutes d'émission, on peut pas tout faire. La banane est quand même. On approche de 18h. Les mecs de Djibouti derrière, là, ils sont en train d'éplucher leur dernière banane. Ils sont chauds. T'inquiète pas que. Ouais. Et donc on passe directement à un pianiste. Jazzman. Qui nous vient de Jamaïque. Un pays producteur de bananes, peut-être. Encore une vérification encore, à faire. Encore. Je vérifierai. Et en tout cas, on l'a passé il n'y a pas longtemps. Il a fait un album en fait de reprise de Bob Marley. Non, pas que, non, de, pas que de Bob Marley. De reggae. De classique reggae, quoi. Reggae jamaïcain. Et lui, c'est un très très bon pianiste. Il s'appelle Monty Alexander. Et non pas Alexander Monty. Hein. Non. On a déjà fait la réflexion. Ah ouais, carrément. Ah mais j'imagine que tu t'es. L'ignorance. Tu t'es empressé de les bananes. De les remettre dans le droit chemin. Et banane dans le cul. Oh, pardon. Ouais, il fallait que je le dise. Et là, on va le retrouver sur un morceau qui s'appelle Banana Boat Song. Oui. C'est pas un footballeur. Hein. Banana Boat Song, c'est une chanson. Vous allez reconnaître, de toute façon. On peut juste dire que c'était de Grigory Isaac. La base. Exact, voilà, c'est ça. C'est l'info qui manquait. Pas Grigory, exact. Grigory Isaac. Ah, d'accord. Et il y a un autre nom à ce titre, Banana Boat Song. C'est Day Ho. Et là, c'est en. Théo! Ah, je l'ai, ça y est. Ça y est. Là, c'est une version live. Donc, ne reste pas plantain là. Oh, très bon choix. Très bon choix. Participation, you know what I mean? Yeah, miss a day, oh. In the night time, I want to go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot, but 6 foot, 7 foot, 8 foot, but this is very good. Thank you. behalf of Robert Thomas. And the password. Hoover Simpson. Carl Wright. Hassan Shakur, here he is. Là, il est en train de dire j'aime les bananes. My friend Yotam. My friend banane. Thank you very much. Je vous banane tous. Là, il est en train de dire aussi qu'il aime les bananes et que sa vie, c'est comme une banane géante. Quoi. En forme de banane. Exactement. Une vie voilà. Sourire. C'était donc Monty Alexander avec le titre Banana Boat Song. Vous écoutez Tortelier Arbatax. C'est une émission spéciale. Banane. Banane. Et voilà, on est au cœur de la cuisson de la banane plantain. Voilà, on est en train de faire le tour tranquillement. On a évoqué déjà pas mal de choses. C'est une émission lourde. À ce niveau-là. Là, le bananier est assez important, là, exactement. On va passer. Je pense que. Ouais, on a. Les bananes pour qui ? Les bananes pour tous ? Bananes pour tous, bien sûr. C'est une. On n'a pas vraiment évoqué le côté féminin de la banane. Bah. Parce que les femmes également ont droit à leur banane. Les femmes aiment la banane. Les femmes aiment la banane, les femmes vivent de banane et d'eau fraîche. Exactement, exactement. Il nous reste finalement peu de temps pour développer ce sujet qui aurait mérité une émission, hein, les femmes une et thèse. La banane. Une thèse carrément. Malheureusement, nous on va se permettre deux morceaux pour cette fin d'émission. Le premier, c'est quand même Banana Split, le fameux. Hein, voilà, voilà, on pouvait pas le splitter. De but en blanc comme ça. Banana Split, ça va venir tout de suite. Et c'est notre ami Lio. Bah c'est pas mal en fait comme morceau. Non mais au niveau instrumental, on est dans un truc qui représente bien les années dans lesquelles ça a été fait. C'était les années, hein, de toute façon. Ces années-là. Voilà, les fameuses. À peu près. Et derrière, c'est classique. On va garder le suspense un peu, je pense. Je sais pas, ouais. On va se faire une banana split en attendant. Oh là oh là. Oh là là là là. C'est bon. Banana split. Banana Split. C'était donc Lio, la Belge. Oui, il nous interprétait le titre Banana Split. C'est un titre assez rare qu'on a eu du mal à dénicher. Hein. Ah, c'est une petite perle introuvable. c'est vrai. Ce genre de perle, mais qu'on apprécie à découvrir, quoi. Une fois que le trou a été creusé, la pelle a été sortie, une fois que le trésor est là, la banane n'en est que plus grande. Banane d'or. Banane d'or. Moi, j'ai découvert la banane et je me suis vraiment rendu compte que j'aimais la banane. C'est récent, non? Bah, c'est récent, en fait. C'était dans les années 2000, au début des années 2000. Je m'intéresse au tennis, France 2. Un après-midi, je tombe sur Roland-Garros. Je tombe entre deux jeux, tu vois. Changement de côté. un 7-0, machin. Roger Federer, qui épluche une banane comme ça. Ah oui! Qui épluche une banane sur son banc, comme ça, tu vois. Le fruit du tennisman typique, la banane. Hein. Et ça toujours, c'est la serviette, la bouteille d'eau. D'ailleurs, on est en plein Roland-Garros, là, je crois. Bah, enfin, je sais pas. Je m'y connais pas en tennis. Mais... Moi, c'est Roger Federer, une sorte de modèle pour moi. Et à partir du moment où j'ai vu qu'il mangeait des bananes, c'est là que je me suis dit, bon. Et d'ailleurs, il a C'est la banane, quoi. Un bandeau en banane, non? Enfin, oui. Comment on dit ça là? Un bandeau en banane. Un bandeau, je sais pas. C'est un bandeau en éponge. Un bandeau éponge. Un bandeau, un banana. Un bandana. Un bandana. Un bandana, d'accord. Je croyais que c'était un banana. Non, non. Tiens d'ailleurs, en parlant de bande de nana, c'est le groupe d'après. Alors la musique n'a rien à voir avec les bananes finalement. Hein. Le mot banane sera peut-être même pas prononcé une seule fois dans le morceau. Sûrement c'est pas. Plutôt le nom. C'est le nom du groupe. Le nom du groupe. Bananarama. Voilà. Bananarama. Le mot est lâché. On se termine là-dessus. Ça va être le classique Bananarama. C'est Vénus. Vénus le titre de. Voilà. Et là, voilà, pour celle qui s'épile les jambes, on commence à lâcher des indices, quoi. Et malheureusement, je trouve, là je suis en train de penser que cette chanson qui doit terminer cette émission sur la banane va nous faire penser à autre chose qu'à la banane finalement. C'est ça qui est triste. On va partir sur des gambettes. Enfin voilà, vous allez voir, Bananarama, c'est un groupe de trois nanas des années 80. Elles ont quand même eu une bonne dizaine de titres assez connus apparemment. Ouais, je crois qu'elles sont d'ailleurs dans le livre des records à cause d'une histoire de classification de leurs hits. Bah, 10 hits dans le top 10 dans les charts pour un groupe de nanas, quoi. Ça te fait un paragraphe dans le Guinness Book des records. Voilà, quoi. Ça c'est Bananarama. C'est inéluctable, c'est iné bananatable. Typique des années 80, c'est pour ça que je dis apparemment, parce que bon, j'ai pas connu forcément moi-même exactement ce groupe, j'ai pas suivi à la carrière à l'époque. Moi qui suis né dans les années 90. Moi j'étais plus à l'ABC des fruits, quoi, à l'époque. Hein. Moi c'était plus le générique, quoi. Mais voilà. Moi j'étais un peu à cette époque là. Ah celui-là, ok. Ouais, c'était ça. Mais c'est un ami hein, qui nous a conseillé Bananarama. Alors, je sais pas s'il connaissait très bien ce groupe ou. Mais pour ça, la banane. C'est ça. Ou s'il se rase les jambes. Je sais pas pourquoi il nous a parlé de ça, mais en tout cas il nous a lâché le classique comme ça sans le vouloir. À mon avis, il se rase les jambes. Allez, y a qu'à se terminer là-dessus, puis à claquer une bise à Djibouti. Et bah voilà, ils arrivent. Méga Banana! Ça s'appelle Vénus, c'est le titre de la chanson, c'est trois filles. Banana Power. Allez, on va s'épiler. S'éplucher.